Je suis revenu ce soir sur la grande place où je t'avais rencontré. J'ai cherché l'endroit où l'on avait dansé, le marchand de glace et les manèges. Tu m'avais donné de la barba, papa, j'avais gagné des fleurs en papier. Rappelle-toi, Milette, c'était jour de fête, si tu m'entends, réponds-moi. Rappelle-toi, Milette, j'ai posé ma tête sur tes longs cheveux dorés. Je t'ai pris la main, puis on est monté sur des rochers. On s'est regardé, et puis tendrement je t'ai embrassé. Rappelle-toi, Milette, c'était jour de fête, si tu m'entends, réponds-moi. Rappelle-toi, Milette, j'ai posé ma tête sur tes longs cheveux dorés. Je t'ai pris la main, puis on a marché dans les jardins. On a fait l'amour, tu m'as répété deux fois à demain. J'ai dû repartir aux quatre coins du monde sans pouvoir te dire je t'aime. Étais-tu venu le lendemain matin sur la place où l'on s'était connu? Tu m'avais donné de la barba, papa, j'avais gagné des fleurs en papier. Rappelle-toi, Milette, c'était jour de fête, si tu m'entends, réponds-moi. Rappelle-toi, Milette, j'ai posé ma tête sur tes longs cheveux. On s'est regardé, et puis tendrement je t'ai embrassé. Rappelle-toi, Milette, c'était jour de fête, si tu m'entends, réponds-moi. Rappelle-toi, Milette, j'ai posé ma tête sur tes longs cheveux.